moi gratitude pour mon toi maba assez peine ça monter ma jeune et ça m'a au coupé ça m'a tondo na Jésus Christ pour y aller c'est quoi ya ba son tout yonzo et ça m'a tondo et quoi linda kané ma ça tout Jésus est mon corps appelle ça merci si maman pas et multiplier Kayo papa ye mon sousou teo Bongina lokumu nyonso Seyo linga kandema sanjoli Tozo yemba, tozo bina, tozo kanga, tozo sanjola Tozo netola, tozo kumisa Seyo linga kandema sanjoli Lokumu kembo nyonso ya yo Kakayo ya Seyo linga kandema sanjoli Tutombo lima, boko totatola yo zanzambe Mabina nyonso ya basantu ebi na mapona yawe Zela ya basantu e Yesu, zela ya basantu e Yesu elike ya motema e Yesu elike ya motema e Yesu makasi ya basantu e Yesu makasi ya basantu e Yesu elike ya motema e Yesu elike ya motema e Totombo lima boko totatola yo zanzambe Mabina nyonso ya basantu ebi na mapona yawe Bina nyonso ya basantu ebi na mapona yawe